Yeah. Les vagues, les clashs, le swag, ouais, la galère dans 19, le Danube, anti-keuf, notre quartier attire les meufs, en bas des tours avec les potes, la caméra, on la carotte, on se tape des pas, ensuite un coup de bâtard, tu nous quittes. Les blagues et clashs swag, ouais la galère dans 19, le Danube, anti-keuf, notre quartier attire les meufs, en bas des tours avec les potes, la caméra, on la carotte, on se tape des pas, ensuite un coup de bâtard, tu nous quittes. Yeah, c'est nos pays, ouais la galère dans 19, viens pas nous voir si tes Gucci sont toutes neufs. On nique ta meuf, on nique les keufs. Il paraît que Chika Rajara qui était ton ref. Les taspés à nos pieds, nos vidéos te font rigoler. Car on est là rien que pour briller. Si nos babes on a galéré tellement dans le quartier. Y'a vraiment du grand succès, la galère dans 19, t'as aimé, t'as partagé. Les blagues, les clashs, le swag, ouais la galère dans 19, le Danube, anti-keuf, notre quartier attire les meufs, en bas des tours avec les potes, la caméra, on la carotte, on se tape des pas, ensuite un coup de bâtard, tu nous quittes. Les blagues, les clashs, le swag, ouais la galère dans 19, le Danube, anti-keuf, notre quartier attire les meufs, en bas des tours avec les potes, la caméra, on la carotte, on se tape des pas, ensuite un coup de bâtard, tu nous quittes. Sino babe, ouais la galère dans 19. On a tué un bœuf, on a tué un keuf. La galère dans 19, on t'arrange avec une meuf. Mon label, il est pas normal, il est tout neuf. Cric, cric, bah, la galère dans 19. La galère dans 19, yeah. La galère dans 19. La galère dans 19, la galère dans 19. La galère dans 19, la galère dans 19. La galère dans 19, la galère dans 19. Du lourd, petit gueule. La galère dans 19, escarpole. On t'attrape, on défonce, la galère dans 19. La galère dans 19, la galère dans 19. La galère dans 19, la galère dans 19. La galère dans 19, la galère dans 19. La galère dans 19, les blagues, les clashs, le swag, ouais la galère dans 19. Le Danube, anti-keuf, notre quartier attire les meufs, en bas des tours avec les potes, la caméra, on la carotte, on se tape les pas. Ensuite un coup de bâtard, je nous quitte. Les blagues, les clashs, le swag, ouais la galère dans 19. Le Danube, anti-keuf.